de doutes et douleurs noyées dans le passé. Le secret finit par lasser même les plus âgés. Donc j'ai refusé de suivre une vie de souffrance. Avec le temps j'ai compris qu'il suffit d'une présence. Ressasser, toujours ressasser, nous empêche sans cesse de pouvoir avancer. La vieillesse arrive à une vitesse sans que l'on comprenne. J'ai décidé de te dire que la suite nous attend. Avec le temps j'ai compris qu'il suffit de l'entendre. Se donner rendez-vous pour parler de nous. Le temps ne laissera pas le temps d'un au revoir. Laissons nos peines de flour devenir nos plus beaux souvenirs. Parlons pour ne jamais se dire. J'aurais aimé te dire. Effacer, tout recommencer, faire comme si rien ne s'était vraiment passé. Évincer tout ce qui menaçait nos chemins tracés. Je ne veux plus jamais sentir que je subis silence. Je sais que les mots ont aussi leur petite importance. Se donner rendez-vous pour parler de nous. Le temps ne laissera pas le temps d'un au revoir. Laissons nos peines debout devenir nos plus beaux souvenirs. Parlons pour ne jamais se dire. J'aurais aimé te dire.